L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Villers-lès-Nancy accueille le jeudi 30 avril et vendredi 1er mai son tout premier festival de jazz. Deux jours de concerts gratuits organisés par l'école de musique et de danse Musique à Villers entre fanfare, big band et formation professionnelle. Jean-Pierre Jacot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Musique à Villers. Tout à fait. Alors Musique à Villers, pour resituer, pour représenter, même si c'est une association qui existe depuis quand même quelques années. Hein, Alors Musique à Villers, c'était créé en 1978, j'ai regardé les archives, non, ça s'appelait à l'époque APM de Villers-lès-Nancy. Puis bon, il y a eu un changement de nom de l'association il y a une petite dizaine d'années. On est toujours dans la même idée, c'est une école associative de musique, mais c'est aussi un lieu de pratique amateur, puisqu'on a plusieurs ensembles, donc un orchestre de formation un peu classique, un groupe de chant qui travaille beaucoup avec l'école de musique de Vendeuvre, et puis Inner Jazz, donc, qui est un ensemble de jazz, un petit peu big band, bon, qui existe pareil depuis une vingtaine d'années facilement. Nous avions l'habitude de faire une soirée de jazz dans laquelle nous invitions des groupes un peu similaires d'école sur Nancy. Puis on s'est dit, après tout, pourquoi ne pas faire un vrai événement, un petit peu plus gros, puisqu'après tout, on a un lieu qui est assez sympathique. C'est même plusieurs lieux, puisque oui. Villers-Centre, c'est le théâtre de la Rouelle, qui est un caveau, donc qui est tout à fait jazz dans l'esprit, mais il y a aussi maintenant la place des anciens combattants devant l'église, qui est un lieu en plein air très agréable. Il y a le parc de Madame de Graffigny, qui est aussi un lieu sur lequel la fanfare jouera et il y aura quelques prestations. Et puis là, la salle Jean Ferrat, qui permet d'accueillir des ensembles assez gros, en particulier les big bands qu'on aura. On a besoin d'une scène relativement importante. Cette salle-là sera la bienvenue. Vous l'avez dit, le jazz, déjà la musique à Villers, ça existe depuis quelques années avec Inner Jazz. C'est quoi le principe de Inner Jazz ? Alors Inner Jazz, c'est déjà un chef, c'est Vincent Houplon. Il adapte des partitions, qui fait la programmation musicale. Et surtout, je dirais, c'est un ensemble qui invite bien sûr les élèves de l'école, mais aussi des pratiquants d'instruments typiques du jazz. Donc on a des clarinettes, du saxophone, des guitares, même du violon maintenant, flûte, etc. Donc c'est multi-instruments, c'est ceux qui veulent venir peuvent venir, et je dirais la formation et les arrangements musicaux vont s'adapter. On reste bien sûr jazz, musique, pop et ce genre de choses. Donc c'est assez éclectique et plutôt vivant. Et ce festival de jazz à Villers, donc le 30 avril et 1er mai, il y aura bien sûr Musique à Villers, mais vous l'avez évoqué, vous ne serez pas tout seul. Hein, non, tout à fait. L'idée était vraiment d'inviter, d'étendre en fait ce qu'on faisait à notre soirée usuelle où on invitait un ou deux groupes. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt. Sur l'agglomération, il existe pas mal de groupes. Donc on a par exemple à Léman, il y a du monde. On a deux groupes de Léman, donc le combo de jazz et puis la chorale gospel. Poussy Coussax, c'est Ludre cette fois-ci, donc qui est un big band, un ensemble de Ludre. Le gâteau sur la cerise, donc qui est la MJC Lillebonne. On a aussi deux groupes de la MJC Lillebonne. Les Poissons Rouges, donc il y a un big band qui fonctionne aussi sur l'agglomération et qui est assez connu. Et puis surtout, on a décidé de clore un petit peu cette soirée par un concert professionnel. Nous avons invité donc Mathieu Roffé et Yuriko Kimura, donc qui est un duo assez atypique puisque piano et flûte. Nous interpréter un répertoire jazzy, comme ils savent le faire, et donc qui terminera bien sûr en beauté ce petit festival. Avec aussi une culture japonaise. Tout à fait, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir effectivement une musique un petit peu autre, je dirais, toujours dans l'esprit de jazz, toujours dans l'esprit d'improvisation, toujours dans l'esprit de découverte aussi de nouvelles musiques. Et donc ça, c'est quelque chose, quand on a eu cette proposition de les inviter, c'est quelque chose, on a tout de suite dit oui, on a quelque chose d'intéressant. Il donnera peut-être sa personnalité réelle à ce festival. Et vous l'avez évoqué aussi, il y avait cette volonté d'être sur plusieurs sites. Tout à fait, c'est un peu comme un festival, c'est l'idée, c'est pas de simplement confiner à une petite salle, d'être ici, mais c'est de se montrer aussi sur la place publique, c'est le cas de le dire, puisqu'on aura donc la place des anciens combattants et le parc de Graffigny, parce qu'on a toujours cette politique d'être ouvert sur la ville. On fait partie du tissu associatif et culturel de Villers-lès-Nancy, donc on voit un petit peu ceci, je dirais, aux habitants, c'est comme ça qu'on le voit. Et ça permet aussi de varier les lieux. Sur la logistique, c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs scènes, c'est ce qu'on s'est dit en concoctant ce programme. Et c'est donc une première édition, je le redis, c'est le jeudi 30 avril et vendredi 1er mai. Est-ce que une première édition, vous souhaitez qu'il y en ait une deuxième, que ce soit annuel Sinon, nous n'aurions pas dit première édition. Alors évidemment, on va regarder comment ça marche, parce que je dirais, c'est un petit peu toujours la question des premières éditions. Est-ce qu'on a visé juste? En tout cas, on a eu une réponse très très favorable, je dirais, des ensembles, des big bands qu'on a contactés. On a même été obligé de dire, non, on est déjà un petit peu plein. Donc je pense que là, du côté des musiciens, il n'y a pas trop de soucis sur l'intérêt. Maintenant, du côté du public, on a choisi un grand week-end, puisque c'est avec le 1er mai qui sera là. Donc c'est un moment où on a prévu des choses dehors, parce qu'on espère qu'effectivement c'est une date où on peut commencer à faire des choses dehors. Bon, il faut expérimenter, voir comment ça marche, et j'espère qu'effectivement, on plante là une petite graine qui pourra s'épanouir dans les années qui viennent. Et des concerts gratuits. Alors, tout est gratuit, ça aussi, c'est quelque chose. Hein, ouais. Là aussi, on reste, je veux dire, c'est quand même, ce sont des amateurs qui viennent, des gens qui se font plaisir en jouant, et qui viennent ici pour faire plaisir aux gens qui viendront les écouter. Donc, on a choisi aussi de mettre le concert professionnel dans la même optique. Donc, bien sûr, il y aura des buvettes, des choses comme ça qui nous permettront... Voilà, on a quand même besoin aussi de rentrer dans quelques sous, mais c'est cette idée quand même qu'on a. On offre un petit peu ce festival à la ville de Villers et plus généralement à la communauté. Voilà, on peut retrouver tout le programme bien sûr sur le site de Musique à Villers, musiqueavillers.fr. On mettra le lien sur le site de la radio. Pour revenir sur le concert professionnel, c'est gratuit, mais c'est mieux de réserver sa place quand même. Alors tout à fait, parce que le concert se passera au Théâtre de la Roëlle, donc Caveau de la Roëlle, qui est là aussi un lieu très sympathique. Enfin, comment dire, pour ceux qui connaissent, c'est un lieu qui se prête très bien à une musique qui sera, je vais pas dire intimiste, mais enfin on a quand même qu'a priori deux instrumentistes, donc ça va être, c'est pas un grand big band, c'est quelque chose où il y a besoin d'une salle, relativement petite salle, ce qu'est le Caveau de la Roëlle, qui est très adapté, en plus c'est un caveau, donc pour le jazz ça tout marche bien, mais la contrepartie c'est qu'effectivement la jauge est relativement limitée, donc il sera prudent de réserver, gratuitement bien évidemment, mais là aussi sur notre site il y a le lien qui permettra de faire ses réservations. Jean-Pierre Jacquot, pour conclure, le dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première édition ? Du beau temps, déjà, ça c'est très important, et puis je dirais un succès public. Comme je l'ai dit, on a déjà du succès auprès des musiciens, donc maintenant il nous reste à gagner le public, mais je ne suis pas très inquiet de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.